Chapitre 9e. Présentation. Quelques jours après le meurtre de Madame Séraphin, la mort de la Chouette et l'arrestation de la bande des malfaiteurs surpris chez Bras Rouge, Rodolphe se rendit à la maison de la rue du Temple. Nous l'avons dit, voulant lutter de ruse avec Jacques Ferrand, découvrir ses crimes cachés, l'obliger à les réparer et le punir d'une manière terrible dans le cas où, à force d'adresse et d'hypocrisie, ce misérable réussirait à échapper à la vengeance des lois, Rodolphe avait fait venir d'une prison d'Allemagne une créole métisse, femme indigne du nègre David. Arrivée la veille, cette créature, aussi belle que pervertie, aussi enchanteresse que dangereuse, avait reçu des instructions détaillées du baron de Graun. On a vu dans le dernier entretien de Rodolphe avec Madame Pipelet que celle-ci, ayant très adroitement proposé Cécilie à Madame Séraphin pour remplacer Louise Morel comme servante du notaire, la femme de charge avait parfaitement accueilli ses ouvertures et promis d'en parler à Jacques Ferrand, ce qu'elle avait fait dans les termes les plus favorables à Cécilie, le matin même du jour où elle, Madame Séraphin, avait été noyée à l'île du Rabageur. Rodolphe venait donc savoir le résultat de la présentation de Cécilie. À son grand étonnement, en entrant dans la loge, il trouva, quoiqu'il fût 11 heures du matin, M. Pipelet couché et Anastasie debout auprès de son lit, lui offrant un breuvage. Alfred, dont le front et les yeux disparaissaient sous un formidable bonnet de coton, ne répondait pas à Anastasie. Elle en conclut qu'il dormait et ferma les rideaux du lit. En se retournant, elle aperçut Rodolphe. Aussitôt, elle se mit, selon son usage, au port d'armes, le revers de sa main gauche collé à sa perruque. « Votre servante, mon roi des locataires, vous me voyez bouleversée, ahurie, exténuée. Il y a de fameux tremblements dans la maison, sans compter qu'Alfred est alité depuis hier. Et qu'a-t-il donc? Est-ce que ça se demande? Comment? Toujours du même numéro. Le monstre s'acharne de plus en plus après Alfred. Il me l'abrutit, que je ne sais plus qu'en faire. Encore Cabrion? Encore. C'est donc le diable? Je finirai par le croire, monsieur Rodolphe, car ce gredin-là devine toujours les moments où je suis sorti. À peine ai-je les talons tournés, que crac, il est ici sur le dos de mon vieux chéri, qui n'a pas plus de défense qu'un enfant. Hier encore, pendant que j'étais allé chez M. Ferrand, le notaire, c'est encore là où il y a du nouveau. Et Cécilie, dit vivement Rodolphe, je venais savoir. Tenez, mon roi des locataires, ne m'embrouillez pas. J'ai tant de choses à vous dire, que je m'y perdrais si vous rompez mon fil. Voyons, je vous écoute. D'abord, pour ce qui est de la maison, figurez-vous qu'hier, on est venu arrêter la mère Burette. La prêteuse sur gage du second? Mon Dieu, oui! Il paraît qu'elle en avait de drôles de métiers, outre celui de prêteuse. Elle était par là-dessus receleuse, haricandeuse, fondeuse, voleuse, allumeuse, enjôleuse, brocanteuse, fricoteuse, enfin, tout ce qui rime à gueuse. Le pire, c'est que son vieil amoureux, M. Bras Rouge, notre principal locataire, est aussi arrêté. Je vous dis que c'est un vrai tremblement dans la maison, quoi. Aussi arrêté, Bras Rouge? Oui, dans son cabaret des Champs-Élysées. On a coffré jusqu'à son fils Tortillard, ce méchant petit boiteux. On dit qu'il s'est passé chez lui un tas de massacres, qu'ils étaient là une bande de scélérats, que la Chouette, une des amies de la mère Burette, a été étranglée, et que si on n'était pas venu à temps, ils assassinaient la mère Mathieu, la courtière en pierrerie, qui faisait travailler ce pauvre Morel. En voilà-t-il de ses nouvelles? Bras Rouge arrêté, la Chouette morte, se dit Rodolphe avec étonnement. L'horrible vieille a mérité son sort. Cette pauvre Fleur de Marie est du moins vengée. Voilà donc pour ce qui est d'ici, sans compter la nouvelle infamie de Cabrion. Je vais tout de suite en finir avec ce brigand-là. Vous allez voir quel front. Quand on a arrêté la mère Burette, et que nous avons su que Bras Rouge, notre principal locataire, était aussi pincé, j'ai dit au vieux chéri, « Faut que tu trottes tout de suite chez le propriétaire, lui apprendre que M. Bras Rouge est coffré. » Alfred part. Au bout de 2 heures, il m'arrive, mais dans un état, blanc comme un linge et soufflant comme un bœuf. Quoi donc encore? Vous allez voir, M. Rodolphe. Figurez-vous qu'à 10 pas d'ici, il y a un grand mur blanc. Mon vieux chéri, en sortant de la maison, regarde par hasard sur ce mur. Qu'est-ce qu'il y voit écrit au charbon en grosses lettres? Pipelet Cabrion. Les deux noms joints par un grand trait d'union. C'est ce trait d'union, avec ce scélérat-là, qui l'estomaque le plus, mon vieux chéri. Bon, ça commence à le renverser. Dis pas plus loin qu'est-ce qu'il voit sur la grande porte du temple, encore, pipelait Cabrion, toujours avec un trait d'union. Il va toujours, à chaque pas, monsieur Rodolphe, il voit écrit ses damnés noms sur les murs des maisons, sur les portes, partout, pipelait Cabrion. Mon vieux chéri commençait à y voir 36 chandelles. Il croyait que tous les passants le regardaient. Il enfonçait son chapeau sur son nez tant il était honteux. Il prend le boulevard, croyant que ce gueux de Cabrion aura borné ses immondices à la rue du Temple. Ah ben oui, tout le long des boulevards, à chaque endroit où il y avait de quoi écrire, toujours pipelait Cabrion à mort. Enfin, le pauvre cher homme est arrivé si bouleversé chez le propriétaire qu'après avoir bredouillé, pataugé, barboté pendant un quart d'heure au vis-à-vis du propriétaire, celui-ci n'a rien compris du tout à ce qu'Alfred venait lui chanter. Il l'a renvoyé en l'appelant vieil imbécile et lui a dit de m'envoyer pour expliquer la chose. Bon, Alfred sort, s'en revient par un autre chemin pour éviter les noms qu'il avait vus écrits sur les murs. Ah bah oui, encore pipelet et Cabrion, comme vous dites, mon roi des locataires. De façon que le pauvre cher homme m'est arrivé ici, abruti, ahuri, voulant s'exiler. Il me raconte l'histoire, je le calme comme je peux, je le laisse, et je pars avec mademoiselle Cécilie pour aller chez le notaire, avant d'aller chez le propriétaire. Vous croyez que c'est tout? Joliment. À peine avais-je le dos tourné que ce Cabrion, qui avait guetté ma sortie, a eu le front d'envoyer ici deux grandes drôlesses qui se sont mises aux trousses d'Alfred. Tenez, les cheveux m'en dressent sur la tête. Je vous dirai cela tout à l'heure. Finissons du notaire. Je pars donc en fiacre avec mademoiselle Cécilie, comme vous me l'aviez recommandé. Elle avait son joli costume de paysanne allemande, vu qu'elle arrivait et qu'elle n'avait pas eu le temps de s'en faire faire un autre, ainsi que je devais le dire à M. Ferrand. Vous me croirez, si vous voulez, mon roi des locataires, j'ai vu bien des jolies filles. Je me suis vu moi-même dans mon printemps, mais jamais je n'ai vu, moi comprise, une jeunesse qui pût s'approcher à 100 piques de Cécilie. Elle a surtout dans le regard de ces grands scélérats d'yeux noirs quelque chose, enfin, on ne sait pas ce que c'est. Mais pour sûr, il y a quelque chose qui vous frappe. Quels yeux! Enfin, tenez, Alfred n'est pas suspect. Eh bien, la première fois qu'elle l'a regardé, il est devenu rouge comme une carotte, ce pauvre chéri. Et pour rien au monde, il n'aurait voulu fixer la donzelle une seconde fois. Il en a eu pour une heure à se trémousser sur sa chaise, comme s'il avait été assis sur des orties. Il m'a dit après qu'il ne savait pas comment ça se faisait, mais que le regard de Cécilie lui avait rappelé toutes les histoires de cet effronté de Bradamanti sur les sauvagesses qui le faisaient tant rougir, ma vieille bégueule d'Alfred. Mais le notaire, le notaire! M'y voilà, monsieur Rodolphe. Il était environ 7 heures du soir quand nous arrivons chez monsieur Ferrand. Je dis au portier d'avertir son maître que c'est madame Pipelet qui est là avec la bonne dont madame Séraphin lui a parlé et qu'elle lui a dit d'amener. Là-dessus, le portier pousse un soupir et me demande si je sais ce qui est arrivé à madame Séraphin. Je lui dis que non. Ah, monsieur Rodolphe, en voilà encore un autre tremblement. Quoi donc? La Séraphin s'est noyée dans une partie de campagne qu'elle avait été faire avec une de ses parentes. Noyée? Une partie de campagne en hiver? Dit Rodolphe, surpris. Mon Dieu, oui, monsieur Rodolphe, noyée. Quant à moi, ça m'étonne plus que ça ne m'attriste. Car depuis le malheur de cette pauvre Louise, qu'elle avait dénoncée, je la détestais, la Séraphin. Aussi, ma foi, je me dis, elle s'est noyée, eh bien, elle s'est noyée. Après tout, je n'en mourrai pas. Voilà mon caractère. Et M. Ferrand? Le portier me dit d'abord qu'il ne croyait pas que je pourrais voir son maître, et me prie d'attendre dans sa loge. Mais au bout d'un moment, il revient me chercher. Nous traversons la cour, et nous entrons dans une chambre au rez-de-chaussée. Il n'y avait qu'une mauvaise chandelle pour éclairer. Le notaire était assis au coin d'un feu où fumaillait un restant de tison. Quelle baraque! Je n'avais jamais vu M. Ferrand. Dieu de Dieu, est-il vilain? En voilà encore un qui aurait beau m'offrir le trône de l'Arabie pour faire des traits à Alfred. Et le notaire a-t-il paru frappé de la beauté de Cécilie? Est-ce qu'on peut le savoir avec ses lunettes vertes? Un vieux sacristain pareil, ça ne doit pas se connaître en femme. Pourtant, quand nous sommes entrés toutes les deux, il a fait comme un soubresaut sur sa chaise. C'était sans doute l'étonnement de voir le costume alsacien de Cécilie. Car elle avait, en 100 milliards de fois mieux, la tournure d'une de ces marchandes de petits balais, avec ses cotillons courts et ses jolies jambes chaussées de bas bleus à coins rouges. Sapristi, quel mollet! Et la cheville si mince, et le pied si mignon. Finalement, le notaire a eu l'air ahuri en la voyant. C'était sans doute la bizarrerie du costume de Cécilie qui le frappait, faut croire. Mais le moment croustilleux approchait. Heureusement que je me suis rappelé la maxime que vous m'avez dite, monsieur Rodolphe. Ça a été mon salut. Quelle maxime ? Vous savez, c'est assez que l'un veuille pour que l'autre ne veuille pas, ou que l'un ne veuille pas pour que l'autre veuille. Alors je me dis à moi-même, il faut que je débarrasse mon roi des locataires de son allemande, en la colloquant au maître de Louise. Hardi, je vais faire une frime. Et voilà que je dis au notaire, sans lui donner le temps de respirer, « Pardon, monsieur, si ma nièce est habillée à la mode de son pays. » Mais elle arrive, elle n'a que ces vêtements-là, et je n'ai pas de quoi lui en faire faire d'autres, d'autant plus que ce ne sera pas la peine, car nous venons seulement pour vous remercier d'avoir dit à Madame Séraphin que vous consentiez à voir Cécilie, d'après les bons renseignements que j'avais donnés sur elle. Mais je ne crois pas qu'elle puisse convenir à monsieur. Très bien, Madame Pipelet. Pourquoi votre nièce ne me conviendrait-elle pas ? Dit le notaire, qui s'était remis au coin de son feu et avait l'air de nous regarder par-dessus ses lunettes. Parce que Cécilie commence à avoir le mal du pays, monsieur. Il n'y a pas 3 jours qu'elle est ici, et elle veut déjà s'en retourner, quand elle devrait monter sur la route en vendant de petits balais comme ses pays. Et vous qui êtes sa parente, me dit M. Ferrand, vous souffririez cela? Dame, monsieur, je suis sa parente, c'est vrai. Mais elle est orpheline, elle a 20 ans, et elle est maîtresse de ses actions. Bon, maîtresse de ses actions, à cet âge-là, on doit obéir à ses parents, reprit-il brusquement. Là-dessus, voilà Cécilie qui se met à pleurnicher, et à trembler en se serrant contre moi. C'était le notaire qui le faisait peur, bien sûr. Et Jacques Ferrand? Il grommelait toujours en marronnant. Abandonner une fille à cet âge-là, c'est vouloir la perdre. S'en retourner en Allemagne en mendiant, belle ressource. Et vous, sa tante, vous souffrez une telle conduite? Bien, bien que je me dis. Tu vas tout seul, Grigou. Je te colloquerai Cécilie ou j'y perdrai mon nom. Je suis sa tante, c'est vrai, que je réponds en grognant. Et c'est une malheureuse parenté pour moi. J'ai bien assez de charges. J'aime autant que ma nièce en aille que de l'avoir sur les bras. Que le diable emporte les parents qui vous envoient une grande fille comme ça, sans seulement la franchir. Pour le coup, voilà Cécilie qui avait l'air d'avoir le mot, qui se met à fondre en larmes. Là-dessus, le notaire prend son creux comme un prédicateur et se met à me dire « Vous devez compte à Dieu du dépôt que la Providence a remis entre vos mains. Ce serait un crime que d'exposer cette jeune fille à la perdition. Je consens à vous aider dans une œuvre charitable. » Si votre nièce me promet d'être laborieuse, honnête et pieuse, et surtout de ne jamais, mais jamais, sortir de chez moi, j'aurai pitié d'elle et je la prendrai à mon service. Non, non, j'aime mieux retourner au pays, dit Cécilie en pleurant encore. Sa dangereuse fausseté ne lui a pas fait défaut, pensa Rodolphe. La diabolique créature a, je le vois, parfaitement compris les ordres du baron de Graun. Puis le prince reprit tout haut. Monsieur Ferrand paraissait-il contrarié de la résistance de Cécilie ? Oui, monsieur Rodolphe, il marronnait entre ses dents et il lui a dit brusquement « Il ne s'agit pas de ce que vous aimeriez mieux, mademoiselle, mais de ce qui est convenable et décent. Le ciel ne vous abandonnera pas si vous menez une bonne conduite et si vous accomplissez vos devoirs religieux. Vous serez ici dans une maison aussi sévère que sainte. Si votre tante vous aime réellement, elle profitera de mon offre. Vous aurez des gages faibles d'abord, mais... si par votre sagesse et votre zèle vous méritez mieux, plus tard peut-être je les augmenterai. Bon, que je m'écris à moi-même, enfoncez le notaire. Voilà Cécilie colloquée chez toi, vieux fesse-Mathieu, vieux sans-cœur. La Séraphin était à ton service depuis des années, et tu n'as pas seulement l'air de te souvenir qu'elle s'est noyée avant-hier. Je reprends tout haut. Sans doute, monsieur, la place est avantageuse, mais si cette jeunesse a le mal du pays, ce mal passera, me répond le notaire. « Voyons, décidez-vous, est-ce oui ou non? Si vous y consentez, amenez-moi votre nièce demain soir à la même heure, et elle entrera tout de suite à mon service. Mon portier la mettra au fait. Quant au gage, je donne en commençant 20 francs par mois et vous serez nourri. »« Ah, monsieur, vous mettrez bien 5 francs de plus. Non, plus tard, si je suis content, nous verrons. Mais je dois vous prévenir que votre nièce ne sortira jamais et que personne ne viendra la voir. »« Eh, mon Dieu, monsieur, qui voulez-vous qui vienne la voir ?» Elle ne connaît que moi, à Paris. J'ai ma porte à garder. Ça m'a assez dérangé d'être obligé de l'accompagner ici. Vous ne me verrez plus. Elle me sera aussi étrangère que s'il n'était jamais venu de son pays. Quant à ce qu'elle ne sorte pas, il y a un moyen très simple. Laissez-lui le costume de son pays. Elle n'osera pas aller habillée comme cela dans les rues. Vous avez raison, me dit le notaire. C'est d'ailleurs respectable de tenir aux vêtements de son pays. Elle restera donc vêtue en Alsacienne. Allons. Que je dis à Cécilie, qui la tête basse, pleurnichait toujours. « Il faut te décider, ma fille. Une bonne place, dans une honnête maison, ne se trouve pas tous les jours. Et d'ailleurs, si tu refuses, arrange-toi comme tu voudras, je ne m'en mêle plus. » Là-dessus, Cécilie répond en soupirant, le cœur tout gros, qu'elle consent à rester. Mais à condition que si dans une quinzaine de jours, le mal du pays la tourmente trop, elle pourra s'en aller. « Je ne veux pas vous garder de force, » dit le notaire, « et je ne suis pas embarrassé de trouver des servantes. Voilà votre denier à Dieu. Votre tante n'aura qu'à vous amener ici demain soir. » Cécilie n'avait pas cessé de pleurnicher. « J'ai accepté pour elle le denier à Dieu de 40 sous de ce vieux pingre, et nous sommes revenus ici. » « Très bien, madame Pipelet, je n'oublie pas ma promesse. Voilà ce que je vous ai promis, si vous parveniez à me placer cette pauvre fille qui m'embarrassait. « Attendez à demain, mon roi des locataires, » dit madame Pipelet en refusant l'argent de Rodolphe. « Car enfin, monsieur Ferrand n'a qu'à se raviser quand ce soir je vais lui conduire Cécilie. Je ne crois pas qu'il se ravise, mais où est-elle ? Dans le cabinet qui dépend de l'appartement du commandant. Elle n'en bouge pas d'après vos ordres. Elle a l'air résignée comme un mouton. » « Quoiqu'elle ait des yeux, ah, quels yeux !»« Mais à propos du commandant, est-il intrigant ? Lorsqu'il est venu lui-même surveiller l'emballement de ses meubles, est-ce qu'il ne m'a pas dit que s'il venait ici des lettres adressées à une madame Vincent, c'était pour lui, et de les lui envoyer rue Mondovi, numéro 5 ? Il se fait écrire sous un nom de femme, ce bel oiseau, comme c'est malin. Mais ce n'est pas tout. Est-ce qu'il n'a pas eu l'effronterie de me demander ce qu'était devenu son bois ? Votre bois ? Pourquoi donc pas votre forêt, tout de suite ? Que je lui ai répondu. Tiens, c'est vrai, pour deux mauvaises oies, de rien du tout. Une de flotté et une de neuf, car il n'avait pas pris tout bois neuf, le gripsou. Faisait-il son embarras ? Son bois ! Je l'ai brûlé, votre bois, que je lui dis, pour sauver vos effets de l'humidité. Sans cela, il aurait poussé des champignons sur votre calotte brodée et sur votre robe de chambre de verre luisant, que vous avez mise joliment souvent pour le roi de Prusse. En attendant que cette petite dame qui se moquait de vous. » Un gémissement sourd et plaintif d'Alfred interrompit madame Pipelet. « Voilà le vieux chéri qui rumine, il va s'éveiller. Vous permettez, mon roi des locataires ?»« Certainement. J'ai d'ailleurs encore quelques renseignements à vous demander. »« Eh bien, vieux chéri, comment ça va-t-il » demanda madame Pipelet à son mari en ouvrant ses rideaux. « Voilà monsieur Rodolphe, il sait la nouvelle infamie de Cabrion, il te plaint de tout son cœur. » « Ah, monsieur !» dit Alfred en tournant languissamment sa tête vers Rodolphe. « Cette fois, je n'en relèverai pas. Le monstre m'a frappé au cœur. Je suis l'objet des brocards de la capitale. Mon nom se lit sur tous les murs de Paris, accolé à celui de ce misérable Pipelet Cabrion, avec un énorme trait d'union, monsieur, un trait d'union, moi, uni à cette infernale pollution aux yeux de la capitale de l'Europe. » Monsieur Rodolphe sait cela, mais ce qu'il ne sait pas, c'est ton aventure d'hier soir avec ces deux grandes drôlesses. Ah, monsieur, il avait gardé sa plus monstrueuse infamie pour la dernière. Celle-là passait toutes les bornes, » dit Alfred d'une voix dolente. « Voyons, mon cher monsieur Pipelet, racontez-moi ce nouveau malheur. » « Tout ce qu'il m'a fait jusqu'à présent n'était rien auprès de cela, monsieur. Il est arrivé à ses fins, grâce aux procédés les plus honteux. Je ne sais si je vais avoir la force de faire ce narré. La confusion... « La pudeur m'entraveront à chaque pas. » Monsieur Pipelet, s'étant mis péniblement sur son séant, croisa pudiquement les revers de son gilet de laine et commença en ces termes. « Mon épouse venait de sortir. Absorbée dans l'amertume que me causait la nouvelle prostitution de mon nom écrit sur tous les murs de la capitale, je cherchais à me distraire en m'occupant d'un ressemblage d'une botte 20 fois reprise et 20 fois abandonnée, grâce aux opiniâtres persécutions de mon bourreau. J'étais assis devant une table, lorsque je vois la porte de ma loge s'ouvrir et une femme entrer. Cette femme était enveloppée d'un manteau à capuchon. Je me soulevai honnêtement de mon siège et portai la main à mon chapeau. À ce moment, une seconde femme, aussi enveloppée d'un manteau à capuchon, entre dans ma loge et ferme la porte en dedans. Quoique étonné de la familiarité de ce procédé et du silence que gardaient les deux femmes, je me ressoulève de ma chaise et je reporte la main à mon chapeau. « Alors, monsieur, non, non, je ne pourrai jamais. Ma pudeur se révolte. « Voyons, vieille bégueule, nous sommes entre hommes, va donc. » « Alors, reprit Alfred en devenant cramoisi, les manteaux tombent et qu'est-ce que je vois ? Deux espèces de sirènes ou de nymphes, sans autre vêtement qu'une tunique de feuillage, la tête aussi couronnée de feuillage. J'étais pétrifié. Alors toutes deux s'avancent vers moi en me tendant leurs bras, comme pour m'engager à m'y précipiter. Les coquines, dit Anastasie. Les avances de ces impudiques me révoltèrent, reprit Alfred, animé d'une chaste indignation. Et selon cette habitude, qui ne m'abandonne jamais dans les circonstances les plus critiques de ma vie, je restais complètement immobile sur ma chaise. Alors, profitant de ma stupeur, les deux sirènes s'approchent avec une espèce de cadence en faisant des rondes jambes et en arrondissant les bras. Je m'immobilise de plus en plus. Elles m'atteignent, elles m'enlacent. Oh là, c'est un homme d'âge et marié, les gredins. Ah, si j'avais été là, avec mon manche à balai, s'écria Anastasie. Je vous en aurais donné de la cadence et des rondes jambes, gourgandine. Quand je me sens lassé, reprit Alfred, mon sang ne fait qu'un tour. J'ai la petite mort. Alors l'une des sirènes, la plus effrontée, une grande blonde, se penche sur mon épaule, m'enlève mon chapeau et me met le chef à nu, toujours en cadence, avec des rondes jambes et en arrondissant les bras. Alors sa complice, tirant une paire de ciseaux de son feuillage, rassemble en une énorme mèche tout ce qui me restait de cheveux derrière la tête et me coupe le tout, monsieur, le tout, toujours avec des rondes jambes. Puis il dit en chantonnant et en cadençant, « C'est pour Cabrion. » Et l'autre, impudique de répéter en chœur, « C'est pour Cabrion, c'est pour Cabrion. » Après une pause accompagnée d'un soupir douloureux, Alfred reprit. Pendant cette impudente spoliation, je lève les yeux et je vois collé aux vitres de la loge la figure infernale de Cabrion avec sa barbe et son chapeau pointu. Il riait, il était hideux. Pour échapper à cette vision odieuse, je ferme les yeux. Quand je les ai ouverts, tout avait disparu. Je me suis retrouvé sur ma chaise, le chef à nu et complètement dévasté. Vous le voyez, monsieur, Cabrion est arrivé à ses fins à force de ruse, d'opiniâtreté et d'audace, et par quel moyen, mon Dieu ? Il voulait me faire passer pour son ami. Il a commencé par afficher ici que nous faisions commerce d'amitié ensemble. Non content de cela, à cette heure, mon nom est accolé au sien sur tous les murs de la capitale avec un énorme trait d'union. Il n'y a pas à cette heure un habitant de Paris qui met en doute mon intimité avec ce misérable. Il voulait de mes cheveux, il en a, il les a tous, grâce aux exactions de ces sirènes effrontées. Maintenant, monsieur, vous le voyez, il ne me reste qu'à quitter la France, ma belle France, où je croyais vivre et mourir. » Et Alfred se jeta le renvers sur son lit en joignant les mains. « Mais au contraire, vieux chéri, maintenant qu'il a tes cheveux, il te laissera tranquille. »« Me laisser tranquille ?» s'écria M. Pipelet avec un soubresaut convulsif. « Mais tu ne le connais pas, il est insatiable. Maintenant, qui sait ce qu'il voudra de moi ?» Rigolette, paraissant à l'entrée de la loge, mit un terme aux lamentations de M. Pipelet. « N'entrez pas, mademoiselle !» cria M. Pipelet, fidèle à ses habitudes de chaste susceptibilité. « Je suis au lit et en linge. » Se disant, il tira de ses draps jusqu'à son menton. Rigolette s'arrêta discrètement au seuil de la porte. « Justement, ma voisine, j'allais chez vous, » lui dit Rodolphe. « Veuillez m'attendre un moment. » Puis, s'adressant à Anastasie, « N'oublie pas de conduire Cécilie ce soir chez M. Ferrand. »« Soyez tranquille, mon roi des locataires, à 7 heures elle y sera installée. »« Maintenant que la femme Morel peut marcher, je la prierai de garder ma loge, car Alfred ne voudrait pas, pour un empire, rester tout seul. »